À Borgo San Sepulcro, qu'y a-t-il à voir ? Une petite ville entourée de murs, campée dans une large vallée plate entre des montagnes, quelques beaux palais Renaissance avec de jolis balcons de fer forgé, une église sans intérêt, et enfin, le meilleur tableau qui soit au monde. Le meilleur tableau qui soit au monde est peint à la fresque sur le mur d'une salle de l'hôtel de ville. Le visiteur qui entre au Palazzo di Conservatori, à Borgo San Sepulcro, trouve la merveilleuse résurrection, à peu près telle que la laissa Piero della Francesca. Aldous Huxley, Chemin faisant. Mussolini avait dit « Nous vaincrons ». Trois ans plus tard, en mai 1943, les restes de l'armée italienne d'Afrique capitulent au Cap Bon en Tunisie. Et d'Alexandrie à Tanger, ce sont les Alliés qui tiennent les rivages de la Méditerranée. Maintenant, les Alliés vont pouvoir s'attaquer au continent européen. On va commencer par l'Italie, car on pense que ce sera le plus facile. La résurrection de Piero della Francesca. Un documentaire de Patrick Boudet, réalisé par Vincent Deck. Première partie, Anthony Clarke, l'officier anglais qui sauva la résurrection. 18 ans après le texte d'Aldous Huxley sur la résurrection de Piero della Francesca, les armées alliées s'engagent dans une campagne militaire pour libérer l'Italie du joug fasciste italien et allemand. Elles débarquent en juin 1943 sur l'île de Pantelleria, puis ce sera la Sicile un mois plus tard, et enfin, en septembre 1943, les armées alliées débarquent à Naples après l'avoir pilonné. L'objectif est de remonter jusqu'au nord de l'Italie pour en chasser l'ennemi. Alors, la campagne d'Italie était une des campagnes les plus dures de la Seconde Guerre mondiale, ignorée et une des plus dures. Jean-Christophe Notin, historien. On est vraiment revenu à des modes de combat directement hérités de la Première Guerre mondiale, avec cet énorme souci de la part du commandement de limiter les pertes au maximum. Donc avant chaque progression de l'infanterie, il y a un matraquage de l'artillerie et ensuite on envoie l'infanterie. Évidemment, ça cause des ravages dans les reliefs et éventuellement dans les localités sur place. Mais le but, avant tout, c'est ça qu'il faut bien avoir conscience, c'est qu'il faut limiter absolument les pertes humaines, qui sont déjà énormes en Italie, malgré ça. Ce pilonnage d'artillerie entraîne aussi la destruction d'une partie du patrimoine artistique italien. L'exemple le plus frappant est l'anéantissement de l'abbaye fondée par Saint Benoît au VIe siècle sur le sommet du Monte Cassino, qui était devenu une place forte allemande, barrant la route menant à Rome. Dès lors, les armées alliées remontent vers le nord, et sur le chemin, un bataillon de l'armée britannique dont le chef artilleur est Anthony Clarke stationne sur les hauteurs de San Sepolcro. Situé à une centaine de kilomètres de Florence, ce bourg perdu de Toscane conserve le meilleur tableau qui soit au monde, la fresque de Piero della Francesca. La peinture de Piero della Francesca, dite de la résurrection, se trouve dans cette petite localité qui était à l'époque un bourg relativement important. Franck Mercier, historien. Dont l'intérêt principal était de se situer sur une route stratégique qui reliait notamment Rome, avec le pouvoir pontifical, et la Romagne, donc finalement le nord de l'Italie. Et la peinture de Piero della Francesca se trouve conservée dans ce qui était le siège du pouvoir civil municipal. Et on sait que la salle où se trouvait la peinture de Piero della Francesca était réservée plus particulièrement aux plus hauts magistrats de la ville. La peinture soutenait et donnait de l'importance à ceux qui siégeaient finalement à l'intérieur de la pièce pour traiter des affaires publiques. Siamo di fronte a uno dei capolavori di Piero della Francesca. Maria Cristina Giambaldi, directrice du musée de San Sepolcro. Nous sommes face à l'un des chefs-d'œuvre de Piero della Francesca, qui, rappelons-le, est né dans notre village de Sansepolcro. Questo dipinto è stato fortemente voluto dalla classe dirigenziale di Sansepolcro in un periodo. Ce tableau est né de la volonté de la classe dirigeante de Sansepolcro. Però stava perorando la causa. À une époque où notre ville n'en était pas encore une, mais où elle revendiquait le statut de cité auprès des Médicis. Ce tableau est réalisé à partir du manuscrit d'un moine de l'ordre Camaldule qui raconte l'histoire du Borgo Santo Sepolcro et qui relie Sansepolcro à Jérusalem. Le mythe raconte que Marcano et Egidio, deux pèlerins revenant de la Terre Sainte, se sont arrêtés ici pour se reposer à Sansepolcro. Puis, un miracle les a convaincus de rester et de fonder ce qui est maintenant notre cathédrale, la cathédrale de San Giovanni Evangelista. C'est ainsi que cette relation avec la Terre Sainte a fait que Sansepolcro a vu dans le Christ ressuscité non seulement un bastion de la religiosité catholique, mais sa fondation en tant que ville. Bien sûr, c'est une œuvre religieuse de par sa thématique, à travers la résurrection du Christ. Mais c'est aussi et surtout, en tout cas du point de vue des commanditaires, c'est d'abord et surtout une œuvre politique, dans la mesure où Borgo Sansepolcro est une ville qui se réclame du souvenir du tombeau du Christ, puisqu'elle, jusque dans son nom, Borgo Sansepolcro, c'est Bourg Saint-Sépulcre, et Borgo Sansepolcro, dans sa manière de concevoir ses origines, relie finalement son destin au tombeau du Christ. Et par conséquent, pour les magistrats de la ville, représenter une résurrection du Christ à l'intérieur du palais municipal, c'est aussi donner de la valeur à leur ville et revendiquer aussi un statut politique. Diciamo che la città di Sansepolcro è nata su un progetto teologico. Morio Cornioli, maire de Sansepolcro. La ville de Sansepolcro est née d'un projet théologique. Très souvent, nous oublions que cela signifie que nous sommes le Saint-Sépulcre, le Christ ressuscité, la puissance du Christ ressuscité qui est l'histoire de notre ville. Ce n'est pas une image sacrée, c'est une image laïque, liée au conseil municipal de l'époque, qui se trouvait donc dans la salle du palais des gouverneurs. Elle a été faite par la ville et non par l'Église. Alors Pierrot n'est pas un grand homme qui est né ici puis en est parti. C'est un grand homme qui est né, a vécu dans les cours de la Renaissance, que ce soit à Rimini ou à Florence. Il a parcouru les alentours, mais en revenant toujours chez lui. Travaillant dans sa ville, où la beauté des palais et de notre bourg l'ont certainement inspiré. Donc Sansepolcro est aujourd'hui la ville de la beauté. Et pouvoir être ici dans les bureaux de la mairie à 100 mètres de la résurrection de laquelle se dégage de l'énergie est certainement un grand privilège. À l'évidence, les commanditaires souhaitaient une peinture d'importance, étroitement associée à un lieu, le lieu où ils siègent, où ils résident en fait pendant la durée de leur magistrature. Le sujet de la fresque, sujet commandé par les magistrats de Borgo Sansepolcro, correspond à la résurrection du Christ. C'est une victoire de Dieu sur la mort, et le Christ donc est représenté. Voilà, surgissant du tombeau, avec un certain nombre de gardes romains endormis. Le Christ surgit du tombeau en portant une bannière qui constitue son enseigne. Elle est frappée d'une croix rouge. C'est une manière de le présenter comme un guerrier, finalement, victorieux, qui, avec l'arme de la croix, a remporté la victoire sur la mort et remporté aussi, d'une certaine façon, la victoire sur ses ennemis. Donc c'est un symbole de la victoire d'ordre quasi militaire remportée par le Christ sur la mort et sur ses ennemis. La fresque a été réalisée à un moment historique bien particulier quand même. Tout donne à penser qu'elle a été réalisée quelque part entre 1458 et 1460. À un moment où la mainmise de Florence sur la ville de Borgo Sansepolcro se relâche un peu. C'est-à-dire que l'étreinte politique de Florence se desserre un peu. On rend à Borgo Sansepolcro une partie, disons, de son autorité. Les magistrats de Borgo Sansepolcro profitent de cette circonstance-là pour réaliser des travaux de rénovation du palais municipal. C'est probablement dans le cadre de ces travaux de rénovation que l'on a passé commande de la réalisation de cette fresque à Piero della Francesca. Et choisir ce thème-là, c'est aussi une manière pour la ville d'affirmer aussi son pouvoir retrouvé, avec compte tenu du lien très fort établi entre le Christ au tombeau et l'identité de la ville. Et commander une fresque sur ce sujet-là à Piero della Francesca participe aussi de ce programme politique. Une fresque qui est faite pour défier aussi le temps, puisque c'est une peinture qui est appliquée sur un enduit frais qui, en séchant, se pétrifie et fixe la peinture qui devient, pour ainsi dire, aussi dure que la pierre. Durée, c'est aussi l'une des préoccupations du pouvoir politique. Et donc, avoir une fresque, surtout d'une grande dimension, plus de 2 mètres sur 2, cela contribue aussi à magnifier les lieux où l'on exerce le pouvoir. En ce mois de juillet 44, le capitaine Anthony Clark attend les ordres pour bombarder Sansepolcro. C'est un court moment de répit dans cette campagne d'Italie. Alors Anthony Clark est un jeune officier, il a été d'abord lieutenant et il va finir la campagne d'Italie, en la guerre en tout cas, il l'a fini comme major, donc qui équivaut à commandant, et au moment de la campagne d'Italie, il est capitaine. Jean-Paul Mercier, historien. C'est un homme qui a eu des actes héroïques à la tête de sa batterie d'obusiers. Il a fait quand même la bataille de Tobrouk, il a fait El Alamein, la campagne de Libye, en Égypte, enfin il a été sur des terrains d'opération extrêmement exposés. Et c'est quelqu'un qui a eu des attitudes visiblement courageuses. Il faut savoir que quand même, Clark a eu la Military Cross. Avoir cette médaille-là, c'est quand même, aux yeux de l'armée anglaise, une décoration très importante. Donc il a 26 ans quand même, hein. Il est tout jeune. C'est un très jeune capitaine. Et c'est quelqu'un qui ne s'est pas défilé devant l'adversaire. Clark, lui, n'a jamais failli. Mais à un moment donné, il dit une chose qui est très très forte, que je restitue ici, c'est que pour lui, les règles de l'art sont supérieures aux règles de la guerre. Et Clark était un dandy, avait un côté dandy, et il se promenait avec un fume-cigarette, et il adorait paraître, et il aimait beaucoup l'uniforme, et il le portait très bien d'ailleurs. Alors, dans l'Angleterre des années 25-30, jusque dans les années 45-50, c'était un peu compliqué d'être homosexuel. Dans l'armée anglaise, c'était un délit. Il ne l'affirme pas en tant que tel, mais c'est vrai que ça lui a permis de s'ouvrir, sans doute, à une part de lui-même, en accédant à l'art, que peut-être le commun des mortels n'a pas forcément. Il lit beaucoup, il a été à Fleet Street dans le domaine de l'édition et de la presse, donc c'est quelqu'un qui baigne dans cet univers de lettres, de discussions, d'échanges. Sa personnalité est quand même une personnalité artistique. C'est quelqu'un qui aime l'art, qui est dans l'art. On peut imaginer même qu'il a déjà vu des œuvres de Piero della Francesca à la National Gallery, puisqu'il y en a 2 qui y sont conservées. Donc c'est quand même quelqu'un qui est un amateur très éclairé dans le domaine de l'art. Et parmi ses maîtres à penser, il y a Aldous Huxley, dont on sait le rôle qu'il joue auprès de tous ces jeunes Anglais dans les années 25, 30 et après. Il a eu un rôle évidemment éminent et très important, et notamment avec son livre le plus célèbre, Le meilleur des mondes. Aldous Huxley, s'il est un auteur un peu oublié aujourd'hui, a exercé quand même une assez grande influence sur la génération, notamment de l'entre-deux-guerres. Donc il n'est pas si étonnant que cela, que quelqu'un comme Anthony Clark ait possédé dans ses bagages le recueil, hein, Along the Road. son récit date de 1925. En fait, il rend compte de sa rencontre avec la peinture, qu'il découvre donc à Borgo San Sepolcro. L'émotion subie par Aldous Huxley résulte moins d'un choc esthétique que d'une rencontre avec ce que l'on pourrait appeler l'énigme du visible. En fait, il scénarise sa rencontre avec la peinture sur le modèle d'une succession de dévoilements. Cela commence déjà par une évocation du paysage qu'il doit traverser pour atteindre Borgo San Sepolcro, où il raconte comment il est à bord d'un bus qui, tout d'un coup, franchit un col. Et là, il dit, comme par miracle, je passe de l'autre côté et je découvre un paysage verdoyant avec de multiples fleurs. Donc, première révélation. Et puis ensuite, il rencontre de Borgo San Sepolcro, dont il dit qu'il s'agit d'une ville corsetée dans ses remparts, où il n'y a rien à voir, mais qui abrite un trésor caché. Deuxième révélation. Et puis, ensuite, il entre à l'intérieur du palais des conservateurs, et là, il commence tout de suite par dire que la peinture de Piero della Francesca, en réalité, elle était cachée. Et là, il parle de révélation. Et puis enfin, l'aboutissement, la fresque est là, devant nous, splendide, voilà, c'est la plus belle peinture du monde. Et donc, c'est une succession de révélations qui me font dire que Huxley a été sensible à ce pouvoir d'apparition de la fresque. Il a été subjugué par la puissance iconique, magnétique, en fait, de cette peinture. Et cette expérience a été d'autant plus forte, peut-être, qu'elle a rencontré chez lui un écho existentiel, puisqu'on sait que Huxley, dans sa jeunesse, alors qu'il était adolescent, est devenu pratiquement aveugle au point qu'il a même dû apprendre le braille. Il a recouvré partiellement la vue par la suite. Donc, face à la fresque de Piero della Francesca, je pense qu'il a dû ressentir cette puissance d'apparition. Huxley a été sensible, finalement, à cette aura avec ce Christ qui, justement, est tout à la fois présent. Huxley dit, il est là, devant nous, avec son regard qui interpelle le spectateur, et puis avec cette frontalité très forte. Donc le Christ est présent, et en même temps, il est absent, parce que le corps peint n'est déjà plus celui du Christ homme, il est aussi Christ Dieu, et puis le Christ de la résurrection, il est aussi appelé à disparaître. Il va se soustraire ensuite au regard des hommes, et la fresque joue là-dessus, sur aussi cette tension entre le visible et l'invisible. Juillet 44, alors Anthony Clark, il arrive, il doit avoir 5 ou 6 batteries d'obusiers qui sont des 105 howitzers, donc des très gros obus hein, qui détruisent une maison sans problème. Il est là, il a réglé ses tirs, il a commencé à tirer quelques coups d'obus pour régler les obusiers, et tout au long de la nuit, tout au long de la matinée, au moment où il va bombarder, il a quelque chose qu'il travaille. Il se dit, il se passe quelque chose là, cette San Sepolcro, qu'est-ce qu'il y a? Et dans une espèce de raptus mémoriel, il se souvient de cette lecture, de ce texte d'Huxley, où il y a la peinture la plus belle qui soit au monde, la plus splendide qui soit au monde, et c'est là où il refuse d'obéir, et donc c'est un acte de courage, il refuse d'obéir à son supérieur, qui lui demandait de bombarder la ville, et il s'est avéré qu'en fait, après coup, c'était complètement inutile puisque les troupes fascistes comme les troupes allemandes avaient quitté cette ville depuis déjà un moment. Alors, soi-disant, il aurait été informé par un jeune berger ou par un jeune Italien qui serait venu et qui aurait expliqué avec force geste, puisque l'un ne parlait pas anglais et l'autre ne parlait pas italien, mais avec force geste aurait expliqué qu'en fait les ennemis étaient déjà partis et qu'il n'y avait plus que des populations civiles. Mais lui, s'il avait dû faire feu, je pense que le dilemme qui était le sien, c'était « moi, je ne peux pas faire feu », parce qu'il sait que cette œuvre d'art qui est là à ses pieds et qu'il peut détruire, c'est une œuvre qui appartient à tout le monde, à toute l'humanité. Donc en sauvant cette œuvre, il sauve aussi la part d'humanité qu'il y a en lui. Et ça, c'est vraiment très très important, en fait, pour qui veut comprendre la personnalité de Clark et ce geste de courage qu'il a eu. Là, il épargne une œuvre d'art. On peut dire, qu'est-ce que c'est une œuvre d'art? C'est rien, quoi. C'est un peu de couleur sur un panneau, sur une fresque. Voilà. Sauf que cette œuvre-là, elle a 500 ans, elle est à ses pieds et elle expose une scène, alors que l'on soit croyant ou pas, une scène très importante au regard de la chrétienté. C'est cette résurrection, c'est-à-dire le Christ qui ressuscite, qui revient à la vie, qui se relève. Et on pourrait dire, par une espèce de jeu, on peut dire que Clark, lui aussi, revient à la vie et il a envie de vivre cette vie et de s'assumer peut-être en tant qu'homme. Et c'est là où c'est la force de l'art et de la littérature, c'est-à-dire qu'une œuvre qu'il n'a jamais vue, il a simplement lu ce texte de Huxley, ça résonne en lui, et donc il a ce refus de détruire cette œuvre, et il le prend sur lui, ça. Qu'est-ce qu'il risquait s'il désobéissait jusqu'au bout malgré les ordres ? Ben c'est simple, pour un officier comme pour tout soldat, c'est la cour martiale. Et la cour martiale, ça peut être une peine très longue de forteresse, de 15 à 20 ans, ou ça peut être la mort. Donc c'est quand même quelque chose de sérieux, cette décision qu'il prend en disant « je ne peux pas détruire la plus belle œuvre qui soit au monde ». Et cette œuvre, il ne la verra que le lendemain, quand il descend dans la ville. Et quand on voit les photos de l'époque, il ne reste un mur et il y a juste l'œuvre qui est dessus. Tout le reste du bâtiment est quasiment écrasé. On peut dire que la peinture de Piero della Francesca, elle est passée pas loin, quoi. Anthony Clark est alors entré dans la ville. La légende raconte que lorsqu'il est arrivé à la porte de la ville, la première chose qu'il a demandé à des enfants, d'ailleurs le dernier de ses enfants est décédé l'année dernière à 95 ans, cet enfant qui est monté à bord du van de l'armée anglaise et a conduit Anthony Clark jusqu'à la résurrection. J'ai des frissons lorsque je raconte cette histoire, car c'est une belle histoire, une histoire de paix, de salut. Et bien souvent, on dit que la résurrection a sauvé la ville. Alors la beauté gagne. La beauté gagne toujours. Ce fut certainement un beau moment. Que devient Anthony Clark après la fin de la guerre ? Alors, il est démobilisé, il revient dans sa ville de Richmond, il ouvre un commerce de livres d'occasion, tout en continuant à travailler pour Fleet Street, dans le domaine de l'édition et de la presse, et à un moment donné, se fait jour, visiblement, l'atmosphère étroite, et donc, comme on sait qu'il vivait cette homosexualité certainement difficilement, à Londres, il part pour l'Afrique du Sud. Il se fixe au Cap en 1957 et là, il va ouvrir une librairie qui a eu une renommée même internationale, puisque des gens comme Graham Greene sont venus chez lui pour le rencontrer. Et c'est une librairie qui a eu un rôle culturel éminent. Et Anthony Clark était quelqu'un de reconnu à Cape Town, qui avait un peu de mal à vendre ses livres parce qu'il les aimait tellement que voilà, il n'avait pas envie de s'en séparer. Anthony Clark a accompli ses rêves en ouvrant une librairie à Cape Town, proposant des livres anciens comme contemporains. Mais que sont devenus ses actes de bravoure durant les années de guerre et notamment son refus de bombarder Sansepulcro ? Ils sont tombés dans l'oubli jusqu'au début des années 60 et une fameuse rencontre. L'épopée donc d'Anthony Clark est révélée par un guide de voyage écrit par Henry Wollam Morton, « Traveler in Italy ». Et c'est effectivement au travers de ça que l'on a pu revivre le récit du capitaine Clark. Il a rencontré Anthony Clark dans sa librairie et celui-ci lui a raconté son histoire. Clark est retrouvé et le maire de la ville de Sansepolcro envoie une invitation. Et donc le capitaine Clark retourne à Sansepolcro où il est fêté comme un héros. Il reçoit la médaille d'honneur de la ville. Et lorsqu'il décède en 1981, la ville prend une délibération et nomme une des voix, la voix Anthony Clark. Chiaramente noi dobbiamo molto a questo personaggio Anthony Clark che è diventato. Il est clair que nous devons beaucoup à ce personnage d'Anthony Clark qui est devenu un mythe pour nous en somme. Sans lui, nous ne serions probablement pas ici pour parler de ce tableau. Sa sensibilité artistique était grande. Dobbiamo molto di più se vogliamo ad Huxley perché è stato lui con. Mais on doit beaucoup plus si on veut à Huxley car c'est lui en déclarant c'est la plus belle peinture du monde qui a permis à Anthony Clark de revenir sur ses pas et décider de ne pas bombarder Sansepolcro, donc de ne pas bombarder la résurrection. L'œuvre de Piero della Francesca, je le répète, a aussi sauvé la ville. Et c'est pour cela que pour nous, ce Christ est doublement le sauveur. C'est le sauveur du monde et c'est le sauveur de Sansepolcro. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un miracle? Peut-être. Miracle de la littérature, miracle de la peinture, miracle tout court, aussi bien dès lors que le Christ de Piero della Francesca jouait aussi, et on lui faisait jouer dès le départ, un rôle protecteur vis-à-vis de la ville de Borgo San Sepolcro, avec sa bannière qui constitue une arme spirituelle en quelque sorte, le guerrier qui triomphe de la mort est plus puissant que les véritables guerriers qui portent leurs armes. Et le Christ joue un rôle protecteur, et cette protection, finalement, par les hasards de l'histoire, avec l'aide d'Huxley, avec l'aide d'Anthony Clark, contribue aussi ou continue de jouer son rôle de protection des siècles après. Résurrection de Piero della Francesca. Fin de la première partie, Anthony Clark, l'officier anglais qui sauva la résurrection. Avec Morio Cornoli, Marie-Christina Gambaldi, Franck Mercier, Jean-Christophe Notin, Jean-Paul Mercier. Remerciements à Marie-France, Paolo Didonné et Antoine Lachan. Coordination Christine Bernard avec la collaboration de Daphné Abgral. Un documentaire de Patrick Boudet, réalisé par Vincent Deck.